23. Le curé. Je le rencontrai tout rêvant, tout ballant dehors, les portes de la ville, près de la petite maison qu'on appelait l'Aubette, vous savez, à la barrière où l'on visait les passeports des rares étrangers qui passaient par ce vert sentier de la France. Je m'en souviens, mon oncle, comme si j'y étais encore, dit sa nièce avec une joie d'enfant. L'inspecteur avait cloué devant cette cahute appelée l'Aube, ou l'Aubette, enveloppée de fleurs de capucine et de plantes grimpantes, d'un charme frais sur la route si large. Il avait cloué, n'est-ce pas, au milieu de ces frais sourires de la nature, deux gros monstres en bois, deux manières de chiens aboyants, cerbères tricolores à la gueule ouverte et profonde, d'où sortait cette menace écrite sur une banderole en forme de langue mêlée à leur crinière. « Je dévore les tyrans, j'avale les aristocrates. »« C'est vrai, dit Monsieur Léonard, se préposé à la barrière, homme de 6 pieds, athlétique et beau comme un titan, mais bon comme le pain. » Qui n'a jamais offensé un pauvre, ni un enfant, dont le seul luxe de patriotisme a éclaté dans ces deux têtes qui ne faisaient peur qu'aux oiseaux, consumait alors paisiblement sa pipe et ses heures à côté de ces monstres innocents, tandis que de l'autre, je faisais l'antéchrist avec notre curé Goguillon, bourgeoisement habillé, cachant sa tonsure sous une pauvre perruque blonde, qui servait à me le rendre un peu plus facile à combattre, car rien n'élève moins de respect en moi qu'une perruque blonde. Saint Augustin lui-même me paraîtrait moins saintement éloquent avec cette bizarre auréole. Lui s'aperçut à travers ma barbe et mes cheveux incultes que mes redomontades sur sa pure croyance partaient d'une blessure cachée. Il me mit la main sur le cœur, hélas, il fallut que mon cœur fût bien dévelouté, car tout ce que je touchais me semblait être du sable. J'en respirais dans l'air, j'en broyais avec mon pain, c'était insupportable. « Pauvre Constant Marie, Léonard, dit-il, car je sais tes noms de baptême aussi. Tu n'avais pas 3 heures quand je t'ai ondoyé et donné ma bénédiction à ton entrée dans ce monde. Elle ne t'a donc pas porté bonheur, dit mon enfant. J'en suis fâché, mais tu n'as aucun reproche à me faire, car c'était de bon cœur. Et je ne suis pas, en vérité, plus épargné que toi par le sort. La terre m'est dure aussi. » Il abaissa, en parlant ainsi, ses yeux sur ses souliers poudreux et troués, et sur ses bas noirs recousus avec du fil gris. Je fus près de tomber à ses pieds. Alors, en allant et venant sur le parapet, je lui révélai une partie de mes souffrances. La façon dont il m'écouta les rendit déjà moins âcres. Ce tribunal en plein air calma un peu l'orage où tourbillonnait mon âme. Ce bon pasteur me laissa dire sans m'interrompre, tout en longeant près de moi les fortifications alors pleines de fleurs et de verdure, et me regardant après de l'air le plus doux. « À qui comptez-vous vos peines, Léonard ? Hélas, j'en ai, moi, tout ce qu'il faut pour les comprendre. » Mais ne gâtez pas votre malheur. Peut-être en viendriez-vous heure par heure, jour par jour, à ce temps où l'âme se recueille et se baigne au fond d'une joie triste, qui naît de l'idée d'avoir été choisie par le ciel pour beaucoup souffrir. D'abord, cette idée fait entrer le désespoir dans un désespoir nouveau. Mais ce paroxysme s'use quand il ne fait pas éclater la vie. Et si vous saviez, mon fils, qu'une douleur qui n'a fait de mal qu'à nous peut receler de douces rêveries, de suaves repos, quand la main sommeilleuse du temps en a émoussé les aspérités sanglantes, c'est à remercier Dieu d'avoir tant souffert. Vos idées en ce moment sont des monstres, car vous avez la fièvre. Mais c'est votre âme qui ose dire « Il n'y a pas d'âme, je prierai pour vous et venez avec moi. Venez, je vous montrerai ce qui m'est entré dans le cœur avec des pointes d'une incroyable mordacité. » Je suivis l'humble apôtre qui ne prêchait plus alors que d'exemple. Moi, j'avais la tête basse, comme un incrédule chancelant. Nous revînmes par des détours jusqu'à l'église Notre-Dame. Il m'y fit entrer au milieu des décombres, et de là me montra la place où mon grand-père, puis mon père, puis nous tous, leurs enfants, avions été ondoyés par lui. Il pointa aussi du fond de cette église mutilée toutes les tombes de notre famille, dans le vert cimetière où jouaient à cette heure quelques enfants dont vous faisiez nombre avec votre inséparable frère. Les murs délabrés, l'orgue en ruine, les saints sans tête, sans bras, renversés dans les hautes herbes de ce cimetière agreste, les vitraux brisés comme les bancs déserts, tout cela coloré par un soleil rouge, ardent, qui passait, laissant tomber aux mêmes heures ses rayons éternels sur ces débris abandonnés par les hommes. Je ne peux vous rendre ce qui se passa en moi, j'eus honte. Je crus entendre des concerts, des voix qui louaient Dieu. Je ployais mes genoux au bord d'un confessionnal, où mes péchés d'enfant avaient autrefois reçu l'absolution du pauvre résigné, qui me consolait alors. Je l'attirais vers moi par l'expression suppliante et irrésistible de mes mains et de mes regards. Il me comprit, car il s'approcha du confessionnal. après avoir regardé si personne ne nous avait suivis pour le dénoncer. Je le poussai doucement à la place où il m'avait jadis paru si redoutable, et je m'agenouillai pour la première fois de ma vie, peut-être avec cette foi profonde, cette volonté forte de la vérité. Je lui dis ma vie comme si j'eusse assisté au dernier jugement, celui où on ne mentira plus, et il me bénit. Je me sentis soulagé, car rentrant dans le cimetière, il me prit par la main, comme un père qui a retrouvé son enfant. Marianne était toujours en moi, mais il y avait alors autre chose avec elle qui balançait son pouvoir terrible, j'espérais. Mon attention fut un peu rappelée aux choses de ce monde, en voyant M. Goguillon ôter son chapeau, dont il s'était recouvert à ma prière pour saluer quelqu'un qui passait dans la rue Notre-Dame, dont nous n'étions séparés que par un mur très bas, formant l'enclos du cimetière et de l'église. Je tournai la tête et je vis venir à nous, par l'ouverture du calvaire, M. Dufard, un comédien aimé par la ville, que suivaient toujours 4 à 5 petits garçons, criants et curieux. Je le vis avec surprise en rapport avec notre vieux curé qui l'aborda, plein d'une familiarité respectueuse, et comme une connaissance intime. Jamais il n'était entré dans ma tête qu'un comédien et un curé dussent se prendre par la main. J'ouvris de grands yeux, assez content d'ailleurs, d'examiner de près M. Dufard, que je n'avais entrevu jusque-là que comme une ombre formidable, car il jouait les rôles tragiques avec une voix de tonnerre. Il était alors dépouillé de tout luxe du soir, bien qu'il conservât des traces évidentes de rouge sur ses joues et sur la grosse cravate nouée négligemment à son cou. Le grand jour détruisait ce prestige d'une teinte horriblement foncée, qui choqua mon instinct pour les tons harmonieux. Son vêtement se composait d'une houppelande de couleur feuille morte, ornée autrefois d'une peluche rouge, que plusieurs hivers, sans doute, avait appauvri et décoloré. La trame grise qu'on découvrait de distance à distance était comme une révélation de ses registres. Cela me fit de la peine. Son chapeau, qui en demandait impérieusement un autre, était penché sur l'oreille de son maître, qui, par un goût bizarre ou par une nécessité cruelle, portait des bottes jaunes du Moyen-Âge, découpées en festons, qui le séparaient entièrement de la mode de nos temps modernes. Elle les impose noires sous peine d'être regardée et suivie, comme il l'était, par de petits vagabonds hardis, dont il se laissait examiner de fort près avec un grand calme et une indulgence parfaite. Il s'informa de la santé de l'homme, de Dieu, avec un intérêt tendre et inquiet qui m'étonna. « C'est qu'il m'a vu bien malade, » dit le curé en lui serrant affectueusement la main. « Enfin, comment vont les affaires, monsieur Dufard ? » poursuivit-il, en voyant un peu d'embarras modeste dans la contenance du comédien. « Déplorablement, monsieur le curé, le théâtre est presque aussi abandonné que l'église. J'aimerais autant qu'on les détruisît aussi, car on nous vend trop cher le droit d'y réciter des chefs-d'œuvre. C'est un impôt ruineux que les villes lancent sur nous pour les éclairer et les instruire. Ma part dans la direction se réduit au salaire du plus médiocre ouvrier, car je suis directeur, me dit-il en me suivant comme l'étranger. Hélas, j'avais l'air en effet d'un habitant de l'autre monde. Cette petite ville, monsieur, est de troisième ordre tout au plus pour le théâtre, et les droits sont énormes. Figurez-vous, monsieur le curé, qu'on nous compte cela pour des âmes, dit-il en montrant au bout de sa canne les petits déguenillés qui jouaient aux ardoises et aux billes, et qui s'étaient mis à se battre dans le cimetière. Je ne regardais pas sans une sorte d'envie ces êtres paresseux qui coulaient si agréablement leur temps sur des tombes. « J'ai commencé ainsi, monsieur Dufard, lui dis-je, et l'on peut prendre là le goût des arts comme ailleurs. Il est vrai que je ne vais pas beaucoup à la comédie, mais j'en fais grand cas. Et je m'y suis souvent réjoui dans l'innocence de mon cœur. » Monsieur Dufard s'inclina avec une grâce qui n'était pas sans dignité. Puis il reprit avec un soupir. « Ce n'en est pas moins devenu triste comme la passion, monsieur. Demandez à monsieur le curé, ajouta-t-il comme s'il invoquait le témoignage d'un camarade malheureux. » Le curé sourit tristement et accepta du tabac que M. Dufard lui tendait en lui disant au revoir, de l'air d'un homme qui tient à en emporter l'espérance. Le curé ne manqua pas de lui répondre. « Au revoir. Pour moi, il me salua du haut d'une taille si noble et si aisée que je me trouvais fort petit garçon pour le lui rendre. J'ôtai mon chapeau à deux mains, car il m'avait subjugué. Les joueurs de billes s'élancèrent encore pour lui donner un pas de conduite. « On dirait que vous lui avez accordé l'absolution, » demandai-je un peu indiscrètement, en regardant aller cet homme, que le public naïf du cimetière ne laissa pas s'éloigner sans contrefaire plaisamment ses airs de tête et son maintien balancé. sous sa houppelande de malade, dont il semblait se faire une toge. « Pour vous, chère buissonnière, tout en tenant d'un bras votre frère et de l'autre votre panier plein de groseilles, vous le regardiez avidement du haut du calvaire, au pied de la croix qui tenait encore, mêlant avec une grande innocence le profane avec le sacré. Mais pourquoi viens-je de dire profane ? Si M. Goguillon m'entendait, il me ferait dire 20 pater, pour cette façon cavalière de traiter l'un de ses plus aimés prochains. Mon Dieu, qu'il y a de choses qu'on redit longtemps par imitation !» « L'absolution, répondit le prêtre d'une voix un peu altérée, oui, Léonard, et ma bénédiction, toutes mes bénédictions. Écoutez bien ce que je vous dis en présence de ce Dieu renversé momentanément dans l'herbe. Le Samaritain n'entrera pas plus directement au ciel quand la trompette nous éveillera tous, que cet inoffensif paria, qui vient aussi chercher ses amis dans un cimetière. » Comme le soleil était alors tout à fait couché, un demi-voile de nuit s'étendait sur tous les objets et sur nous. J'écoutais, moi, comme les convalescents qui prêtent un intérêt d'espoir à tout ce qu'il aurait raconté. Monsieur Goguillon, voyant que je n'avais aucun désir de le laisser seul, continua de parler en nous promenant autour de l'église, sur le terrain tantôt haut, tantôt bas, selon que les tombes étaient plus ou moins nivelées par le temps. « Ce que je vais vous dire de ce comédien, poursuivit-il, me remet sur la voie d'un fait ignoré de bien des habitants de cette ville, et qui signalera dans l'avenir à la reconnaissance publique le nom d'une de vos parentes, qui ne se vante pas d'avoir préservé ses concitoyens du souffle empoisonné qui a détruit tant d'existences. Faible femme, elle a chassé devant elle le tigre de nos contrées, Joseph le Bon, à qui tant de rues désertes d'Arras redemandent leurs habitants égorgés. Voici ce fait. Peu de temps après que ses proclamations et ses agents eurent répandu l'esprit de vertige parmi quelques hommes de notre bon peuple, qui ne purent aller plus loin pourtant que de briser des seins de bois et des vitraux d'église, mais qui s'arrêtèrent effrayés et tristes en regardant les fuyards nobles ou riches que cet acte révolutionnaire avait épouvanté. Joseph Lebon, irrité de l'apathie de ces hommes timorés, qu'il appelait ironiquement des pots de bière, s'élança lui-même et descendit d'Arras pour jeter la terreur dans cette espèce d'engourdissement et d'atonie. Ce fut Thérèse qui le vit bondir hors de sa voiture, fait comme un bandit, se précipitant dans l'aubette, où l'on vise encore aujourd'hui les passeports, pour y déployer le sien, comme une torche funèbre, qui allait éclairer sans doute bien des assassinats. Thérèse debout, attendant ses enfants à son retour d'un village voisin, le reconnut au portrait qui courait de lui par la ville. Elle était seule et ne se sauva pas. Au signe de colère qu'il fit éclater de ne pas trouver l'inspecteur du poste, elle lui offrit de s'asseoir, comme elle s'assit elle-même, et de prendre patience. « Vous êtes patient dans cette ville, répondit-il en s'agitant. Vous dormez tous. Moins que tu ne le crois, lui répartit-elle sans affectation. Vous êtes au moins bien lâche, dit-il avec dédain, car la guillotine n'a pas encore travaillé ici. On n'a trouvé personne, assure-t-on, pour la dresser. » « C'est ce qui te trompe encore, répliqua Thérèse avec le même sang-froid. Elle est dressée, elle attend. Oui, les bras croisés comme les paresseux qui demandent de l'ouvrage, et qui prient Dieu de n'en point trouver. » Thérèse eut le courage de sourire et de trouver cette saillie de bon goût. « Es-tu de cette ville de somnambules, citoyenne ? » reprit-il avec un rire grossier, mais flatté de son approbation à ses bons mots. Elle fit signe que oui. « Quel rang y tiens-tu, toi ? » ?»« Celui de bourgeoise, citoyen. Tu le vois à ma faille noire. » « Pourquoi donc ne portes-tu pas la cocarde sur ta cornette ?»« La voilà, dit Thérèse, qui la montra sur son cœur en écartant sa faille. « Et que fais-tu là-bas pour tuer le temps en attendant le jeu de la guillotine ?»« Je nourris mes enfants. Après, je leur enseigne le grec et le latin. » Il éclata de rire. Alors elle lui parla en grec et en latin, avec cette facilité que nous lui connaissons. Joseph le Bon, qui avait peut-être perdu l'habitude de ses études sévères, se contenta de lui frapper rudement sur l'épaule, en signe d'admiration railleuse. « D'où tiens-tu cette science ? Réponds-moi en français. » « De mon père, passionné de ces glorieuses langues, et qui ne m'en a jamais parlé d'autre dès l'enfance. Toi qui es si savante, dis-moi un peu ce qu'on pense de Joseph le Bon dans la ville. » « On l'aborde, dit-elle naturellement, et sans paraître s'apercevoir qu'il rougissait de fureur. « On le craint du moins ? Demanda-t-il avec des yeux noyés de sang. « Tu ne t'abuses pas, dit-elle plus bas et confidemment. Et comme il a jeté une terreur profonde jusque chez nos enfants en bas âge, voici ce que le peuple a résolu d'une seule voix par serment. N'en parle pas. C'est que s'il entre un jour dans notre république à nous, la guillotine que tu dois voir d'ici, poursuivit-elle en se levant sur ses pieds, et pointant du doigt par la fenêtre ouverte dont elle écartait les fleurs, la porte de guerre aux lourdes chaînes, le pont-levis, et la longue rue terminée au loin par la place entrevue de cette petite croisée où Joseph Lebon vint regarder curieusement de lui-même. « La vois-tu, citoyen ?»« Vaguement, dit-il en s'aidant d'un lorgnon qu'il portait toujours. « Oh, je la vois, moi, c'est laid. Mais le peuple superstitieux dit que c'est notre ange gardien qui a pris cette forme, que s'il entre là, celui que tu disais tout à l'heure, c'est lui-même qui doit l'essayer. On se jettera sur lui comme sur une bête féroce, et sa tête sera la seule qui fera du sang sur notre place libre. Mais n'en dis rien, ajouta-t-elle encore comme par réflexion. Je serais tué si l'on savait que je l'ai empêché d'y venir. » Lebon la regarda effrayé. Thérèse soutint, en souriant toujours, ses yeux qui lançaient la mort sur des villes entières. Il repoussa d'un violent coup de pied le pliant sur lequel il s'était un moment assis, renversa dans son trouble la bière qu'il s'était versée lui-même, et se mettant à jurer de l'absence prolongée de l'inspecteur, que le ciel arrêtait ailleurs sans doute, il remonta dans sa chaise de poste par une convulsion de peur, réveilla à grands coups de cravache les chevaux harassés, tout fumant d'une roue dévorée par le soleil. Il rebroussa chemin avec une incroyable célérité. Thérèse, dont la vie était suspendue après l'avoir suivi des yeux et d'un cœur palpitant, jusqu'à ce qu'il fût tout à fait perdu dans les arbres les plus éloignés du chemin, rentra dans l'aubette et s'évanouit. En sortant de l'étouffement qui l'avait comme asphyxié, elle se retrouva avec surprise au milieu de ses enfants, qui venaient au-devant d'elle, comme il en était convenu le matin. Il la caressait, il l'appelait. Sa mémoire lui retraça ce que cette défaillance lui avait fait oublier. Ce qu'elle croyait à peine alors, elle redevint femme et pleura. Mais elle se tut, n'attribuant son évanouissement qu'à la chaleur qui était accablante ces jours-là. En rentrant en ville avec ses enfants, glissant le long de ce cimetière où nous voici, elle m'aperçut, me salua en passant. Puis elle s'arrêta pensive et revint sur ses pas, après avoir donné à ses enfants la permission de cueillir du mouron et des mauves roses. À cette place même, elle me confia ce qu'elle avait osé faire, me demandant si Dieu lui pardonnerait d'avoir inventé cette fable. Je n'osais l'en reprendre, car elle avait agi avec un tel courage qu'elle me parut avoir été inspirée par un pouvoir invisible. Je lui conseillais seulement un profond silence sur un événement dont l'issue pouvait être si heureuse. En effet, Joseph Lebon courut abattre d'autres moissons humaines, mais il n'osa jamais remettre le pied dans cette ville, vierge alors de sacrifices sanglants. J'étais resté pensif au pied du calvaire, en regardant s'en aller Thérèse comme l'ange sauveur d'un temple qui a rempli sa mission. Mais moi, jusque-là si résigné, si ferme, je le croyais, dans mon obéissance à Dieu, chose étrange, je chancelais en recevant cette preuve éclatante de sa protection. Le contact effrayant, l'approche du fléau me remplit de troubles. Je crus voir dans l'ombre l'épée flamboyante et le damas dégoûtant que ce vulgaire Hérode suspendait sur nos cités en deuil. Je rentrai abattu dans la chambre hospitalière où mes anciens paroissiens, toujours mes enfants, me souffraient, hélas, et me soutenaient comme leur vieux père. Nos autorités n'avaient pas une seule fois tourmenté l'asile ni la conscience d'un vieillard presque aveugle qui ne criait pas et qui ne pleurait que de nuit sur les décombres de son église. J'oubliais cela. Je me jetai tout habillé sur mon lit où des rêves lourds et sombres me torturèrent. L'un d'eux, plus atroce, sillonna ma demeure d'une lumière sanglante. Un sursaut terrible me planta sur mes pieds, et prenant cette force inaccoutumée pour un avertissement de Dieu qui me disait « Va-t'en !» Je m'en allai devant l'aube, à la Providence, qui souriait sans doute de mon émigration d'une ville endormie, sous un ciel si pur, si plein d'amour. Mais le fantôme de Joseph Lebon, avide du sang des pauvres curés, me chassait comme une paille devant la laine de l'ouragan. Ce ne fut que quand je me sentis en pleine campagne, seul avec mon bâton, que je me retournai pour chercher, à travers l'aurore, le clocher de ma pauvre église, que je laissai veuve et déserte. Ce ne fut qu'alors que je m'assis, triste de ne plus la découvrir déjà, et que je portai mon mouchoir sur mes yeux. Ce cauchemar m'égara à l'âge de 75 ans, mon bon ami. En voilà 4 que je m'en étonne, comme je vous en vois étonné. Vous pouvez penser, Léonard, que, ne vivant dès longtemps que de la générosité de mes voisins, je vais toujours pour dire à mes enfants, qui me nourrissaient à rien faire dans le réduit que j'habite encore en attendant. Ici le pauvre curé s'arrêta, stupéfait d'avoir osé dire lui-même « en attendant », puis ramené par son récit au temps où la terreur l'avait emporté, à l'aventure comme une feuille sèche, arrachée de son champ, Il tourna ses regards craintifs autour de nous et se toucha le front en souriant, alors frappant doucement de sa canne une tombe du haut de laquelle il me parlait. « Ouvrez-moi, dit-il en s'inclinant comme s'il parlait aux morts, car je ne fais plus que déraisonner, si vieux que je suis. » L'homme peut bien s'appeler une machine expectante, mon pauvre Léonard, et ce bel arbre de vie donne asile à de cruels insectes qui le dévorent. Les miens étaient alors la peur et la faim, car vous pouvez penser que je n'emportais sur le grand chemin que moi-même, voyageur débile, mon vieux bâton, mes cheveux blancs, et une trémeur d'entrailles, qui était bien plus raisonnable dans un âge si avancé. Enfin, je réponds à votre confession par la confession, Constant. Vous me donnerez l'absolution si vous pouvez. Mon air de prêtre, dont je ne portais pourtant plus l'habit dès longtemps, mais qui perçait comme une empreinte mal usée, ne me préparait pas à un accueil bien ouvert de la part des paysans, qui faisaient semblant de ne pas me voir passer. Je mis 2 jours et 2 nuits à me traîner jusqu'à Ypres. J'y entrais si exténué de fatigue que je n'avais plus qu'un souvenir confus de ce qui m'avait fait entreprendre ce long voyage. Il était long pour moi. C'était le seul que j'eusse entrepris depuis ma naissance. En passant sous une longue allée d'arbres frais, je fus attiré par instinct sous un portail d'église, d'une église tout entière, joie, où je vis entrer du monde, des femmes paisibles, ne cachant ni leurs livres de prière, ni leurs chapelets. Rêvais-je ? J'y entrai moi-même, après quelque hésitation, et je faillis mourir de saisissement en y entendant l'office, desservi avec autant de calme et de sécurité que si on ne tuait pas ailleurs ceux qui s'obstinaient à prier et à croire. Dans le bonheur qui m'oppressait et me faisait trembler sur mes jambes, je me mis à genoux près du cœur, et j'inondais les marbres de mes larmes. Quand la messe fut finie et l'église désertée, plein de confiance et relevé par la prière, je me rendis dans la sacristie, où mes frères en Dieu avaient conservé un si doux asile durant l'orage de nos révolutions. Je dis au prêtre qui sortait de l'autel tout ce que je viens de vous raconter. Et puis je cessai de parler. Il se détourna pour cirer ses ornements et ses burettes d'argent, où il restait encore assez de vin pour animer mes forces épuisées. Puis, me faisant du doigt un signe, empreint douloureusement dans ma mémoire, il me dit « Nous avons nos pauvres ». Je n'en entendis pas plus. Je l'avais compris vite, j'étais hors de l'église. Assis tout seul sous la grande allée d'arbres, sur le même banc de pierre où je m'étais d'abord reposé, j'y demeurais absorbé dans 1000 pensées vagues et désolées. Il y avait je ne sais quel bruit dans mes oreilles qui m'empêchait de me comprendre moi-même. Les cris sourds peut-être de mes entrailles vides. « Ô mon fils, donnez toujours aux pauvres, donnez toujours pour un morceau de pain, je vous en prie, Constant. Je vous le jure, monsieur le curé. » J'entendis tout à coup respirer si près de mon front que je soulevai ma tête abattue. Un homme, penché sur moi, m'examinait curieusement. Dès qu'il me vit lever ma figure, qui était fort pâle, je crois, il saisit mes 2 mains qui retenaient avec peine et machinalement mon bâton de voyage. « Souffrez-vous, mon père ? » dit ce passant béni. Ma voix découragée ne put ouvrir mes lèvres, mais ce mot « mon père », dans une voix attendrie de pitié, me fit soupirer profondément, et mes yeux se fermèrent. Je crus que c'était tout, tout pour moi. Une impression froide que je sentis bientôt sur mes tempes et sur ma bouche ramena encore la vie, qui est quelquefois bien obstinée en nous. Je rouvris les yeux et je reçus en silence le secours animant que s'efforçait de m'offrir cette créature émue. C'était du vin que l'homme curieux venait d'aller chercher à quelque distance, et qui me rendit en peu de minutes la force de marcher. Il me guida avec des paroles basses et discrètes jusqu'à sa demeure, où je montai sans rien dire. Je ne peux vous répéter ce qui m'arriva durant 8 jours de délire et de fièvre sous ce toit où je fus gardé comme un enfant, je veux dire comme un vieillard en enfance. Ils ne me jetèrent pas loin d'eux, ils eurent pitié de moi. Ils avaient leurs pauvres pourtant. « Vous comprenez maintenant, Léonard, pourquoi j'ai donné et je donne. Dans l'éternité, l'absolution à monsieur Dufard, c'était lui. Mais n'est-ce pas que vous l'aviez deviné ?»« Je fais ma barbe demain, dis-je avec beaucoup d'émotion, et je vais à la comédie. » Monsieur Goguillon, sans m'en détourner, reprit encore. Quand je fus hors de danger, voyant bien qu'on ne meurt pas quand on voudrait mourir, je laissai à mes samaritains le poids de ma convalescence, qu'ils ne donnèrent à personne le soin de soutenir. Ils trouvèrent dans leur presque indigence une foule de moyens innocents de me la rendre douce. J'aimais mon sauveur, j'aimais, je l'avoue, ses discours pleins de fleurs et de banderoles qui n'offensaient personne. Parmi les volumes composés des tragédies de Corneille et d'illustres auteurs qui me firent avec quelques autres indices deviner la profession de M. Dufard, il eut la tendre ingéniosité de glisser une Bible et quelques pages pures de Bernardin, dont la lecture berçait pieusement mes longs soirs, car ils étaient forcés souvent de me laisser seul avec leur enfant de 7 ans, qui m'écoutait lire avec l'attention d'un ange. Le récit qu'il en fit à sa famille augmenta parfois mon auditoire de quelques oreilles complaisantes, qui m'écoutaient sans impatience et sans m'interrompre. Jamais un signe d'ironie ne vint glacer ma voix, que l'âge et le malheur avaient un peu brisée. Ah, je vous jure que c'était là d'excellentes gens. Je regrette que Jésus-Christ n'en ait pas rencontré de pareils, quand il était triste à la mort, comme je l'étais moi-même. Fin du premier volume.